Chapitre 9e. Le marquis fut ponctuel. La Motte le reçut à la porte, mais il refusa d'entrer en disant qu'il aimait mieux se promener dans la forêt. C'est pourquoi la Motte l'y accompagna. Après une conversation générale, « Eh bien, dit le marquis, avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit, et vous déciderez-vous bientôt ?»« Oui, monsieur, et je serai bientôt déterminé, quand il vous plaira de vous expliquer plus amplement. Jusqu'alors, je ne puis prendre aucune résolution. » Le marquis parut mécontent et garda quelque temps le silence. Reprenant ensuite la parole, « Est-il bien possible que vous ne m'ayez pas compris? Cette ignorance affectée de votre part. La Motte, soyez franc, ai-je besoin de vous en dire davantage ?»« Oui, monsieur, répondit la Motte avec chaleur, si vous craignez de vous confier à moi, comment puis-je pleinement remplir vos vues ?»« Avant d'aller plus loin, dit le marquis, faites-moi serment que vous garderez le secret. Mais cela est presque inutile, car quand votre parole d'honneur me paraîtrait suspecte, le souvenir d'une certaine affaire vous démontrerait la nécessité d'être vous-même aussi circonspect que voudriez que je fusse. » Il y eut alors un intervalle de silence, pendant lequel le marquis et la Motte laissèrent paraître quelques signes de confusion. Après quoi, le premier reprit ainsi. « La Motte, je vous ai donné assez de preuves de ma générosité. Les services que vous m'avez rendus au sujet d'Adeline n'ont pas été sans récompense. Cela est vrai, monsieur, j'en conviens, et je suis fâché qu'il n'ait pas été en mon pouvoir de vous servir plus efficacement. Je suis prêt à seconder les autres desseins que vous pouvez avoir sur elle. Je vous remercie. Adeline, le marquis hésita. Adeline, continua la Motte, jaloux de prévenir ses desseins, est une beauté digne d'être recherchée. Elle a fait naître une passion dont elle doit être fière. Et à tout événement, il faut qu'elle soit à vous. Ses charmes sont dignes de... Oh oui, interrompit le marquis, mais... Il s'arrêta. Mais leur poursuite vous a coûté bien des peines, dit la Motte. Et il faut nécessairement en convenir, monsieur. Mais tout cela est passé. Vous pouvez maintenant la regarder comme à vous. Je le voudrais bien, répondit le marquis, regardant fixement la Motte. Je le voudrais bien. Dites votre heure, monsieur. Vous ne serez pas interrompu. Une beauté telle qu'Adeline... Surveillez-la soigneusement, interrompit le marquis, et ne souffrez pas, sous aucun prétexte, qu'elle quitte son appartement. Où est-elle maintenant? Enfermée dans sa chambre. Fort bien, mais je suis impatient. Fixez le temps, monsieur. « Demain soir, » dit le marquis, « demain soir. M'entendez-vous à présent ?»« Oui, monsieur, ce soir, si vous voulez. Mais ne feriez-vous pas mieux de renvoyer vos domestiques et de rester vous-même dans la forêt ? Vous connaissez la porte de la tour de l'Ouest qui donne sur le bois. Trouvez-vous-y à minuit. Je vous conduirai à sa chambre. Souvenez-vous donc, monsieur, que ce soir, Adeline meurt. » Interrompit le marquis d'une voix basse et féroce. « Me comprenez-vous maintenant, monsieur ?» La Motte recula d'effroi. La Motte, dit le marquis. Il se fit un silence de quelques minutes pendant lequel la Motte tâcha de se remettre. Permettez-moi, monsieur, ajouta-t-il lorsqu'il eut repris haleine, de vous demander ce que veut dire ceci. Pourquoi désirez-vous la mort d'Adeline, de cette Adeline que vous aimez tant? Ne vous inquiétez pas de mes motifs, dit le marquis, mais sur mon existence, il faut que celle que vous venez de nommer meure. L'horreur de la Motte fut égale à sa surprise. Il y a différentes manières, reprit le marquis. J'aurais désiré qu'il n'y eût pas de sang répandu. Il se trouve des drogues dont l'effet prompt est certain. Mais il faudrait du temps pour se les procurer, et il serait dangereux de le faire. Je souhaiterais d'ailleurs que cette affaire fût terminée. Il faut finir cela promptement. Ce soir. Ce soir, monsieur? Oui, ce soir, la Motte. Si cela doit être, pourquoi différer? N'avez-vous pas quelques ingrédients? Aucun, monsieur. Je n'ai pas voulu me fier à un tiers, sans quoi je serais pourvu, dit le marquis. Puisque cela est ainsi, prenez ce poignard, et servez-vous-en lorsque l'occasion se présentera, mais soyez ferme. La Motte le reçut d'une main tremblante, et le regarda pendant quelque temps avec terreur, sachant à peine ce qu'il faisait. Serrez-le, dit le marquis, et tâchez de vous remettre. La Motte obéit, mais continua de ruminer en silence. Il se vit pris dans les filets que ses crimes avaient tendus. Étant au pouvoir du marquis, il vit bien qu'il fallait commettre un forfait dont l'énormité lui faisait horreur. Quelque dépravé qu'il fût, ou qu'il sacrifiât sa fortune, sa liberté et probablement sa vie s'il s'avisait de refuser. Il avait par degrés été conduit de la paresse au vice, et voyait actuellement devant lui un gouffre de crimes qui aurait effrayé même un cœur depuis longtemps inaccessible aux remords. Reculer était une mesure désespérée. Il était également dangereux d'avancer. Quand il considérait l'innocence et le dénuement d'Adeline, son état d'orpheline, sa conduite affectueuse et sa confiance en sa protection. Son cœur était ému de pitié pour les maux qu'il lui avait déjà causés et tressaillait d'effroi à la seule pensée du crime qu'il était chargé de commettre. Mais quand, d'un autre côté, il réfléchissait à la ruine dans laquelle il serait entraîné par la vengeance du marquis et en même temps aux avantages qui lui étaient offerts, de faveur, de liberté et probablement de fortune, la terreur et la tentation contribuaient à lui faire rejeter les suggestions de l'humanité et à étouffer la voix de la conscience. Dans cet état tumultueux d'incertitude, il resta quelque temps en silence jusqu'à ce que la voix du marquis le convainquît de la nécessité de paraître au moins acquiescer à ses désirs. « Vous hésitez ?» dit le marquis. « Non, monsieur, ma résolution est prise, je vous obéirai. Mais il me semble qu'il vaudrait mieux éviter de répandre le sang. Il y a d'étranges secrets qui ont été découverts par... « Oui, mais le moyen de l'éviter ?» interrompit le marquis. « Je ne m'exposerai pas à acheter du poison. Je vous ai donné un instrument de mort certain. Peut-être serait-il aussi dangereux pour vous de chercher des drogues. La mode vit bien qu'il ne pourrait pas acheter de poison sans s'exposer à un danger plus grand que celui qu'il voulait éviter. Vous avez raison, monsieur, et je suivrai exactement vos ordres. » Le marquis continua alors, par des phrases interrompues, à donner d'autres instructions pour cette scène atroce. « Pendant son sommeil, dit-il, à minuit, la famille sera alors endormie. » Ils firent ensuite une histoire pour rendre raison de ce qu'elle était si subitement disparue. Il paraîtrait qu'elle avait cherché à s'échapper, en conséquence de son aversion pour les sollicitations du marquis. Les portes de sa chambre et de la tour de l'ouest devaient être laissées ouvertes pour confirmer ce rapport, et on devait trouver d'autres circonstances pour venir à l'appui de ce soupçon. Ils se consultèrent aussi sur la manière dont le marquis serait informé de cet événement, et il fut convenu qu'il viendrait, comme à l'ordinaire, à l'abbaye le jour suivant. « À ce soir donc, dit le marquis, je puis compter sur votre résolution ?»« Sûrement, monsieur, vous le pouvez. Adieu donc, jusqu'au revoir. »« Quand nous nous reverrons, dit Lamothe, l'affaire sera faite. » Il suit le marquis à l'abbaye. Après l'avoir vu monter à cheval et lui avoir souhaité le bonsoir, il se retira dans sa chambre et s'y enferma. Cependant, Adeline, dans la solitude de sa prison, s'abandonnait au désespoir que lui inspirait sa situation. Elle essayait de mettre de l'ordre dans ses idées et de se porter à la résignation. Mais la réflexion, en lui rappelant le passé et en lui offrant une perspective de l'avenir, présentait à son esprit le tableau complet de ses malheurs et la mettait au désespoir. Elle ne pouvait penser à Théodore, qui lui avait témoigné son attachement par une conduite si noble et qui n'avait pas craint de se perdre pour elle sans éprouver des sensations douloureuses beaucoup plus fortes que celles qu'elle avait ressenties dans toute autre circonstance. Théodore souffrant, Théodore mourant, était toujours présent à son imagination et, écartant souvent le sentiment de son propre danger, ne la laissait penser qu'au sien. Quelquefois, l'espérance qu'il lui avait donnée de justifier sa conduite, au moins d'obtenir son pardon, revenait à sa mémoire. Mais c'était comme les faibles rayons d'un soleil d'avril, un espoir passager et frivole. Elle savait que le marquis, enflammé de jalousie et brûlant de se venger, le poursuivrait avec une haine implacable. Qu'avait Théodore à opposer à un pareil adversaire? La droiture de ses intentions ne pouvait lui être d'aucune utilité pour parer le coup qu'une passion trompée et l'orgueil puissant dirigeaient contre lui. Ce qui mettait le comble à sa douleur, c'est quand elle réfléchissait qu'aucune nouvelle de sa part ne pouvait lui parvenir à l'abbaye et qu'elle serait obligée de rester longtemps, et peut-être toujours, dans la plus cruelle inquiétude touchant son sort. Elle ne voyait aucune possibilité d'échapper de l'abbaye. Elle était prisonnière dans une chambre dont toutes les avenues étaient fermées. Elle n'avait aucune occasion de converser avec qui que ce fût, qui pût lui donner le moindre espoir de secours. Elle se voyait condamnée à attendre en silence le moment fatal, beaucoup plus terrible à son imagination que la mort même. Dans une pareille situation, elle succombait sous le poids de ses malheurs et était des heures entières assise sans mouvement et absorbée dans ses pensées. « Théodore, s'écriait-elle souvent, vous ne pouvez entendre ma voix, vous ne pouvez voler à mon secours, puisque vous êtes vous-même prisonnier et dans les fers. » Ce tableau était trop affreux. Les angoisses de son cœur étouffaient sa voix, des larmes amères baignaient ses belles joues, et il était insensible à toute autre chose qu'au malheur de Théodore. Ce soir-là, son esprit avait été fort tranquille, et en regardant de sa fenêtre avec une douce mélancolie le soleil couchant, la splendeur passagère de l'horizon occidental et l'approche graduelle du crépuscule, elle reportait ses pensées vers le temps où, dans des circonstances plus heureuses, elle avait considéré les mêmes objets. Elle se rappelait aussi sa fuite momentanée de l'abbaye, quand, de la même fenêtre, elle avait épié le coucher du soleil. Avec combien d'inquiétude elle avait attendu la chute du crépuscule. Combien elle avait fait d'efforts pour prévenir les événements de sa vie future. Avec quelle frayeur elle était descendue de la tour et s'était hasardée dans la forêt. Ses réflexions en faisaient naître d'autres qui remplissaient son cœur de tristesse et ses yeux de larmes. Tandis qu'elle était ensevelie dans ses tristes pensées, elle aperçut le marquis monter à cheval et quitter la porte de l'abbaye. La vue d'un pareil être anima dans toute sa force le sentiment des maux qu'il faisait souffrir à son bien-aimé Théodore, et celui des malheurs qui la menaçaient plus directement. Elle quitta la fenêtre en versant un torrent de larmes, ce qui, ayant continué pendant longtemps, épuisa totalement ses forces et l'obligea à se mettre au lit de très bonne heure. La motte resta dans sa chambre jusqu'à l'instant du souper. À table, son air effaré, malgré tous ses efforts pour se contrefaire, trahit le désordre de son âme, et ses longues absences surprirent et alarmèrent en même temps Madame Lamotte. Quand Pierre eut quitté la chambre, elle lui demanda tendrement ce qui le troublait. Lamotte, en faisant un sourire forcé, voulait en vain paraître gaie. Cela était au-dessus de son pouvoir. Il ne tardait pas à retomber dans sa rêverie, où, quand Madame Lamotte lui parlait, en tâchant de lui cacher ses absences, il répondait d'une manière si contraire à ce qu'elle lui disait qu'elles en étaient plus apparentes. Madame Lamotte, ayant remarqué, fit semblant de ne point s'apercevoir de son humeur actuelle, et ils restèrent enfin dans un silence non interrompu jusqu'à l'heure du repos. Ils se retirèrent ensuite dans leur appartement. Lamotte veilla pendant quelque temps dans un état de torture inexprimable, et ses fréquents tressaillements éveillèrent son épouse, qui, se contentant cependant de quelques excuses frivoles, ne tarda pas à se rendormir. Cet état d'agitation continua jusqu'à minuit, lorsque, se rappelant qu'il passait en réflexion oiseuse un temps qui devait être employé à agir, il se déroba en silence de son lit, s'enveloppa de sa robe de chambre, et prenant la lampe qui brûlait pendant la nuit dans sa chambre, il monta l'escalier tournant. En allant, il regarda souvent derrière lui, tressaillit plus d'une fois, et prêta fréquemment l'oreille au triste murmure du vent. Quand il essaya d'ouvrir la porte d'Adeline, sa main trembla si violemment qu'il fut obligé de poser la lampe par terre et de se servir des deux mains. Le bruit qu'il avait fait avec la clé lui fit croire qu'il l'avait éveillée, mais quand il eut ouvert la porte et qu'il eut aperçu la tranquillité qui régnait au-dedans, il fut convaincu qu'elle dormait. En s'approchant de son lit, il l'entendit doucement respirer et bientôt après pousser un soupir. Il s'arrêta, mais le silence renaissait. Il continua de s'avancer, et l'entendit ensuite chanter dans son sommeil. Il prêta l'oreille, et distingua quelques tons d'un petit air mélancolique qu'elle lui avait souvent chanté dans des jours plus heureux. Les tristes accents qui sortaient alors de sa bouche ne démontraient que trop l'état accablant de son âme. Lamotte s'avança alors à la hâte vers le lit. Elle poussa un profond soupir et le silence recommença. Il tira les rideaux, et la vit dormant d'un profond sommeil, et appuyant son bras sur sa joue encore baignée de larmes. Il la regarda pendant un moment, et tandis qu'il examinait sa figure aimable et innocente, couverte de la pâleur du chagrin, la lumière de la lampe, qui lui donnait sur les yeux, l'éveilla, et apercevant un homme auprès d'elle, elle poussa un grand cri. Revenue un peu de sa frayeur, elle reconnut Lamotte, et croyant que le marquis n'était pas loin, elle se leva sur son lit, en implorant la pitié et la protection du premier. Lamotte la regarda fixement sans répondre une seule parole. Son air égaré et le morne silence qu'il observait augmentèrent ses craintes. Elle renouvela ses supplications avec des larmes de terreur. « Vous m'avez une fois sauvé, s'écria-t-elle. Sauvez-moi encore aujourd'hui. Ayez pitié d'une infortunée. Je n'ai point d'autre protecteur que vous. »« Que craignez-vous ? » dit Lamotte d'une voix entrecoupée. « Sauvez-moi. Sauvez-moi du marquis. »« Levez-vous donc. » reprit-il, « et dépêchez-vous de vous habiller, je vais revenir dans l'instant. » Il alluma une chandelle qui était sur la table et quitta la chambre. Adeline se leva sur le champ et tâcha de s'habiller, mais elle était si troublée qu'elle savait à peine ce qu'elle faisait. Tout son corps était dans une si violente agitation qu'elle était continuellement prête à s'évanouir. Elle passa une robe à la hâte et s'assit ensuite pour attendre le retour de Lamotte. Elle resta longtemps dans cette attitude, mais Lamotte n'en revenait pas. S'étant inutilement efforcée de recouvrer ses esprits, cette cruelle incertitude lui devint à la fin si insupportable qu'elle ouvrit la porte de sa chambre et s'avança sur le haut de l'escalier pour écouter. Elle crut entendre plusieurs voix en bas, mais considérant que si le marquis y était, sa présence ne ferait qu'augmenter son danger, elle retint le pied qu'elle avait presque involontairement porté en avant pour descendre. Elle continua d'écouter et crut encore distinguer quelques voix. Peu après, elle entendit fermer une porte et ensuite marcher. Elle se hâta de retourner dans sa chambre. Près d'un quart d'heure s'écoula et la motte ne parut pas. Elle crut encore entendre le son de quelques voix en bas et les pas de quelques individus. À la fin, son inquiétude ne lui permettant pas de rester dans sa chambre, elle alla sur le passage qui communiquait avec l'escalier tournant. Mais tout était alors tranquille. Cependant, quelques minutes après, elle aperçut la lueur d'une chandelle à travers la salle et la motte parut à la porte de la chambre voûtée. Il regarda en haut et voyant Adeline dans la galerie, lui fit signe de descendre. Elle hésita et tourna ses regards vers sa chambre. Mais la motte s'approcha de l'escalier et elle alla en tremblant à sa rencontre. « J'ai peur que le marquis ne me voie, » lui dit-elle tout bas. « Où est-il ? » La motte lui prit la main et la conduisit en avant, l'assurant qu'elle n'avait rien à craindre du marquis. Cependant, ses regards effarés et sa main tremblante semblaient contredire son assurance, et elle lui demanda où il la menait. « À la forêt, » dit la motte, « pour vous faire échapper de l'abbaye. Il y a un cheval qui vous attend à la porte. Je n'ai pas d'autre moyen de vous sauver. » Une nouvelle terreur la saisit. Elle pouvait à peine croire que la motte, qui avait jusqu'ici conspiré avec le marquis et qui l'avait retenu dans une étroite prison, voulut actuellement la faire échapper. Et elle eut un affreux pressentiment qu'il la conduisait dans la forêt pour l'assassiner. Elle recula et implora de nouveau sa pitié. Il l'assura qu'il n'avait d'autre dessein que de la protéger, et la pria de ne pas perdre de temps. Il y avait quelque chose dans son maintien qui annonçait la sincérité, et elle se laissa conduire à une porte qui donnait sur la forêt où elle entrevit, dans l'obscurité, un homme à cheval. Cela rappela sa mémoire la nuit dans laquelle elle avait quitté le tombeau pour se confier à une personne qui s'était trouvée à sa sortie et qui l'avait transportée à la maison de campagne du marquis. La motte appela Pierre, et la voix de ce dernier rassura un peu Adeline. Il lui dit alors que le marquis reviendrait à l'abbaye le lendemain matin et que c'était la seule occasion qu'elle aurait de lui échapper, qu'elle pouvait compter sur sa parole, que Pierre avait ordre de la conduire où elle voudrait, mais que, comme il savait que le marquis mettrait tout en usage pour la découvrir, il lui conseillait très fort de quitter le royaume, ce qui ne lui serait pas difficile par le moyen de Pierre, qui était natif de la Savoie, et qui la conduirait chez sa sœur dans ce pays-là, qu'elle pourrait y rester jusqu'à ce qu'il allât lui-même la joindre, parce qu'il ne croyait pas qu'il fût sûr pour lui de vivre plus longtemps en France. Il la supplia, quelque chose qui put arriver, de ne jamais parler de ce qui s'était passé à l'abbaye. « Je risque la vie pour vous sauver, Adeline. N'augmentez pas mon danger, ni le vôtre, en découvrant des choses inutiles. » « Peut-être ne nous reverrons-nous jamais, mais j'espère que vous serez heureuse, et quand vous penserez à moi, rappelez-vous que je ne suis pas si méchant que j'ai été tenté de l'être. » Après avoir ainsi parlé, il lui donna quelque argent pour faire la dépense du voyage. Adeline ne put alors plus douter de sa sincérité, et ses transports de joie lui permirent à peine de le remercier. Elle aurait voulu dire adieu à Madame Lamotte et le demanda avec instance, mais il lui répéta qu'elle n'avait pas de temps à perdre, et l'ayant enveloppée dans une grande redingote, il la mit sur le cheval. Elle lui dit adieu en répandant des larmes de reconnaissance et Pierre partit avec autant de célérité que l'obscurité de la nuit put le permettre. Quand ils furent à quelque distance, « J'ai bien de la joie de vous revoir, mademoiselle, » dit-il, « qui n'aurait jamais cru, après tout ce qui s'est passé, que mon maître m'eût ordonné lui-même de vous emmener. Sûrement il arrive d'étranges choses, mais j'espère que nous serons plus heureux cette fois-ci. » Adeline, ne voulant pas lui reprocher la fourberie dont elle croyait qu'il avait été autrefois coupable, le remercia de ses souhaits et dit qu'elle espérait qu'il serait plus heureux. Mais Pierre, avec sa volubilité ordinaire, acheva de la détromper sur ce point et l'informa de toutes les circonstances que sa mémoire, communément assez bonne, lui rappela. Pierre témoigna un intérêt si sincère pour sa conversation et tant de chagrin de ses peines qu'elle ne put plus révoquer sa fidélité en doute, et cette conviction augmenta non seulement sa confiance actuelle, mais lui fit même écouter sa conversation avec bonté et avec plaisir. « Je ne serais point resté à l'abbaye jusqu'à présent, dit-il, si j'avais pu en sortir, mais mon maître me fit tant de peur du marquis, et n'ayant pas assez d'argent pour gagner mon pays, je fus obligé de rester. C'est fort heureux que nous ayons aujourd'hui quelques bons louis d'or, car je doute, mademoiselle, qu'on eût pris sur la route pour de l'argent ces colifichets dont vous m'avez autrefois parlé. »« Peut-être que non, dit Adeline. Je sais bon gré à M. Lamotte de nous avoir donné de meilleurs moyens de nous procurer ce dont nous aurons besoin. » Quel chemin prendrez-vous en quittant la forêt, Pierre ? Pierre nomma fort exactement une grande partie de la route jusqu'à Lyon. Et alors, dit-il, nous pourrons aisément aller en Savoie. C'est l'affaire de rien. J'espère que ma sœur vit encore. Dieu la conserve. il y a plusieurs années que je ne l'ai vue. Mais en cas qu'elle soit morte, les gens du pays seront bien aises de me voir, et vous trouverez facilement un logis, mademoiselle, ainsi que tout ce dont vous aurez besoin. » Adeline prit la résolution de passer avec lui en Savoie. La Motte, qui connaissait le caractère et les desseins du marquis, lui avait conseillé de quitter le royaume et lui avait dit, ce que ses craintes lui suggéraient, que le marquis mettrait tout en usage pour la découvrir. Cet avis ne pouvait avoir d'autre motif que celui de la servir. Autrement, pourquoi la ferait-il transporter dans un autre lieu et lui fournirait-il même les moyens de défrayer son voyage dans un temps où elle était tout à fait en son pouvoir? Il était très probable qu'elle trouverait des protections et de la tranquillité à le long cours, où Pierre disait être bien connu, quand même sa sœur serait morte. L'éloignement du lieu et sa situation solitaire étaient les circonstances qui lui plaisaient. Elle s'informa encore de la route qu'il devait prendre, et si Pierre connaissait le chemin. « Quand nous serons une fois à Thiers, dit Pierre, je le sais assez bien, car je l'ai souvent fait dans ma jeunesse, et tout le monde nous renseignera jusque-là. » Ils voyagèrent pendant plusieurs heures dans les ténèbres et en silence, et ce ne fut qu'en sortant de la forêt qu'Adeline aperçut l'astre du jour darder ses rayons sur les nuages de l'Orient. Cette vue la ranima, et en s'avançant en silence, elle réfléchit sur les événements de la nuit passée et médita un plan pour l'avenir. Les derniers procédés de la Motte lui paraissaient si différents de sa conduite antérieure que cela l'étonnait et l'embarrassait, et elle n'en pouvait rendre raison qu'en les attribuant à une de ces soudaines impulsions de l'humanité qui opèrent quelquefois sur les cœurs les plus dépravés. Mais en se rappelant les paroles qu'elle lui avait entendues proférer, qu'il n'était pas maître de ses propres actions, elle avait peine à croire que la seule pitié l'eût engagé à rompre des liens qu'il avait jusqu'ici regardés comme sacrés. Considérant ensuite le changement de conduite du marquis, elle s'imagina être redevable de sa liberté à un changement de sentiment de sa part par rapport à elle. Néanmoins, l'avis que la Motte lui avait donné de quitter le royaume et l'argent qu'il lui avait fourni pour accomplir ce dessein paraissait contredire cette opinion et lui suggérait de nouveaux doutes. Pierre s'était alors informé du chemin de Thiers. Ils y arrivèrent sans accident et s'y arrêtèrent pour se rafraîchir. Aussitôt que Pierre crut que le cheval était assez reposé, ils se mirent de nouveau en route et des riches plaines du Lyonnais Adeline aperçut pour la première fois les Alpes, dont le sommet majestueux qui paraît supporter la voûte du ciel remplit son âme d'émotions sublimes. Au bout de quelques heures, ils parvinrent à la vallée dans laquelle est située la ville de Lyon, dont les superbes environs, ornés de maisons de plaisance et supérieurement cultivés, lui firent pour quelque temps oublier sa triste situation et dissipèrent même l'anxiété bien plus cruelle qu'elle éprouvait pour Théodore. En arrivant dans cette ville remuante, son premier soin fut de s'informer du passage du Rhône. Mais elle se garda bien de faire des questions au gens de l'auberge, de peur que si le marquis venait à la poursuivre jusque-là, il ne l'instruisisse ensuite de sa route. C'est pourquoi elle envoya Pierre sur les quais pour louer un bateau, tandis qu'elle prenait elle-même un léger repas, son intention étant de s'embarquer sur le champ. Pierre ne tarda pas à revenir, ayant retenu un bateau pour remonter le Rhône et les conduire à l'endroit le plus près de la Savoie, d'où ils devaient aller partir au village de Leloncourt. Après avoir pris quelques rafraîchissements, elle lui ordonna de la conduire au bateau. Une scène nouvelle et frappante s'offrit alors aux yeux d'Adeline, qui contempla avec surprise le fleuve chargé de bateaux et le quai couvert de personnes affairées. Elle sentit vivement le contraste qu'il y avait entre les objets riants dont elle se trouvait environnée et la situation d'une orpheline désolée, sans amis, sans secours, fuyant la persécution et sa patrie. Elle parla au patron du bateau, et ayant envoyé Pierre chercher le cheval que la Motte lui avait donné en paiement pour une partie de ses gages, ils s'embarquèrent. En remontant doucement le Rhône, dont les rives escarpées, couronnées de montagnes, offraient la perspective la plus variée et la plus romantique, Adeline était plongée dans la plus profonde rêverie. La nouveauté de la scène à travers laquelle elle s'avançait, qui offrait tantôt une grandeur sauvage, tantôt une riante fertilité, parsemée de villes et de villages, adoucissait l'amertume de son âme, et sa douleur se changea graduellement en une douce et tendre mélancolie. Elle était assise sur le devant du bateau, d'où elle regardait fendre le courant rapide et prêtait l'oreille au bruit des ondes. Le bateau, s'opposant lentement aux efforts du courant, fit route pendant quelques heures, et à la fin la nuit étendit son voile sombre sur la perspective. Le temps était beau, et Adeline, sans faire attention à la rosée qui tombait alors, resta en plein air, regardant les objets s'obscurcir autour d'elle, les clairs rayons de l'horizon s'évanouir, et les étoiles paraître graduellement et trembler sur le lucide miroir des eaux. La scène fut bientôt tout à fait obscure, et le silence n'était interrompu que par les coups cadencés des rameurs, et de temps en temps par la voix de Pierre qui parlait au batelier. Adeline était perdue dans ses pensées. La tristesse de sa situation se présentait doublement à son imagination. Elle se trouvait environnée des ténèbres de la nuit, dans un pays étranger, éloignée de ses amis, allant sans savoir où, sous la conduite de gens inconnus, et poursuivie peut-être par un ennemi invétéré. Elle se figurait la rage du marquis lorsqu'il aurait découvert sa fuite, et quoiqu'elle sût qu'il n'était guère probable qu'il la poursuivît par eau, raison qui lui avait fait choisir cette méthode de voyager, elle tremblait du tableau que lui présentait son imagination. Ses pensées se portaient ensuite sur le plan qu'elle adopterait lorsqu'elle serait arrivée en Savoie. Et bien que sa propre expérience le prévenût contre les usages du couvent, elle ne voyait aucun endroit plus propre à lui servir d'asile. À la fin, elle se retira dans la petite chambre pour prendre quelques heures de repos. Elle s'éveilla avec le point du jour, et étant trop troublée pour se rendormir, elle se leva et contempla l'approche graduelle du jour. Quand Adeline partit de l'abbaye, la motte était restée quelque temps à la porte, prêtant l'oreille à chaque pas du cheval, jusqu'à ce que le bruit qu'il occasionnait se perdît insensiblement dans le lointain. Il était ensuite retourné dans la salle avec un contentement qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La satisfaction de l'avoir ainsi soustraite au dessein du marquis lui fit pendant quelque temps oublier le danger auquel cette démarche l'exposait. Mais quand il eut réfléchi à sa propre situation, la crainte du ressentiment du marquis reprit tout son empire sur son esprit et il pensa au moyen de l'éviter. Il était alors plus de minuit. Le marquis était attendu le lendemain de grand matin, et il lui parut d'abord possible de quitter la forêt avant son arrivée. Il ne se trouvait qu'un cheval dans l'endroit, et il ne savait s'il devait sur le champ partir pour Aubonne, où il pourrait se procurer une voiture pour transporter sa famille et ses meubles hors de l'abbaye, ou attendre tranquillement l'arrivée du marquis et lui faire une histoire sur la fuite d'Adeline. Le temps nécessaire pour faire venir une voiture à l'abbaye ne lui permettait guère de sortir assez tôt de la forêt. Le peu d'argent qui lui restait ne pouvait pas le mener loin. Et quand il serait dépensé, que faire pour vivre, si toutefois il n'était pas arrêté auparavant? En restant à l'abbaye, il paraissait innocent, et quoiqu'il ne s'attendît pas à persuader au marquis qu'il avait exécuté ses ordres, il espérait lui faire croire que Pierre était seul coupable de la fuite d'Adeline, chose d'autant plus probable que Pierre avait déjà été découvert dans un projet de cette nature. D'ailleurs, il pensait que si le marquis voulait le livrer à la justice, il pourrait l'intimider, en le menaçant de découvrir le crime qu'il l'avait chargé de commettre. Après avoir ainsi ruminé, la motte se détermina à rester à l'abbaye et à attendre l'événement. Lorsque le marquis arriva, et qu'il fut instruit de la fuite d'Adeline, la colère et la rage qui parurent sur son visage effrayèrent et alarmèrent la motte pendant quelque temps. Il fit des imprécations contre elle et contre lui, même en termes si grossiers et si vulgaires, que la motte fut surprise de les entendre de la part d'un homme dont les manières étaient en général aimables, quoiqu'il eût des passions violentes et criminelles. Il semblait qu'en proférant ces imprécations, il éprouva non seulement du soulagement, mais même du plaisir. Il paraissait néanmoins plus affecté de la fuite d'Adeline qu'irrité de la négligence de la motte. Faisant enfin réflexion qu'il perdait son temps, il quitta l'abbaye et envoya plusieurs de ses domestiques à sa recherche. Quand il fut parti, la motte, croyant que son histoire avait réussi, se félicita de nouveau d'avoir fait son devoir et de l'espoir qu'Adeline était alors à l'abri de toute poursuite. Ce calme ne fut pas de longue durée. Quelques heures après, le marquis revint accompagné d'officiers de justice. La motte, épouvantée, le voyant approcher, tâcha de se cacher. Mais il fut arrêté et conduit devant le marquis, qui le tira à l'écart. « On ne m'en impose pas, dit-il, par des comptes aussi ridicules que celui que vous avez inventé. Vous savez que votre vie est entre mes mains. Dites-moi sur le champ où vous avez caché Adeline, où je vais vous accuser du crime dont vous êtes coupable envers moi. Au lieu que si vous me découvrez l'endroit où elle est, je renverrai les officiers et vous aiderai même à quitter le royaume si vous le désirez. Vous n'avez pas de temps à perdre et sachez qu'on ne se joue pas de moi. » La motte s'efforça d'apaiser le marquis en l'assurant qu'Adeline avait réellement pris la fuite, qu'il ignorait de quel côté elle était allée. « Vous savez aussi, monsieur, ajouta-t-il, que je suis maître de votre réputation et que si vous poussez les choses à l'extrême, je serai forcé de déclarer que vous m'avez voulu faire commettre un meurtre. » « Et qui est-ce qui vous croira ? » dit le marquis. « Les crimes qui vous ont exclu de la société ne viendront pas à l'appui de votre véracité, et celui dont je vous accuse aujourd'hui fera regarder votre déclaration comme malicieuse et suggérée par un esprit de vengeance. Messieurs, faites votre devoir. » Les officiers entrèrent aussitôt dans la chambre et saisirent la motte, que la frayeur priva de tout moyen de résistance, et qui d'ailleurs n'aurait pu opposer qu'une révolte inutile. Au milieu du trouble dont il était agité, il informa le marquis qu'Adeline avait pris la route de Lyon. Cet aveu fut cependant trop tardif pour le sauver. Le marquis en profita, mais l'accusation était faite, et La Motte, avec la douleur d'avoir exposé Adeline sans en tirer aucun avantage, fut obligé de se soumettre à son sort. La maréchaussée l'entraîna hors de l'abbaye, lui donnant à peine le temps d'emporter quelques effets avec lui. Mais le marquis, en considération de l'extrême affliction de Madame La Motte, ordonna à un de ses domestiques d'aller lui chercher une voiture à Aubonne pour qu'elle pût suivre son mari. Étant alors instruit de la route d'Adeline, il envoya un domestique affidé pour découvrir le lieu de sa retraite, avec ordre de lui en apporter des nouvelles le plus tôt possible. La Motte et sa femme, réduits au désespoir, abandonnèrent la forêt de Fontainville, qui leur avait depuis quelques mois servi d'asile, et s'embarquèrent de nouveau sur ce monde orageux où la justice devait finalement se faire raison du premier. Les crimes antérieurs de La Motte les avaient obligés de se réfugier dans la forêt, où ils avaient pendant quelque temps trouvé la sûreté qu'ils cherchaient. Mais ils ne tardèrent pas à se rendre coupables de nouveaux forfaits, car dans ce désert même, il se trouvait des tentations, et sa vie, déjà assez marquée par la punition du crime, lui offrit un nouvel exemple de cette grande vérité, qu'un criminel ne saurait jamais jouir de la paix du cœur. Ainsi s'achève le tome 2e/3 de La Forêt ou l'Abbaye de Saint-Clair par Anne Radcliffe.